toutes et à tous, nous voilà à nouveau réunis pour passer ces prochaines minutes bonheur ensemble. Tous les mardis à 8h et à 13h30. Et aujourd'hui, nous fermons les yeux et l'on se connecte entièrement à notre énergie, notre corps, notre être. Pour certains, le sujet pourrait sembler plus abstrait que pour d'autres. Aujourd'hui, on se plonge dans nos chakras. Nous aurions aujourd'hui conscience que nos souffrances émotionnelles pourraient entraîner des blocages corporels. Ce seraient parfois, en fait, des troubles de circulation de l'énergie au niveau des chakras qui induisent ces douleurs et ces sensations. Nous avons tous posé ces mots sur nos sensations, avoir une boule dans la gorge, se sentir oppressé, avoir le cœur qui saigne, avoir le cœur gros, avoir le cœur en joie, cela me fait chaud au cœur, avoir le cœur sur la main, en avoir plein le dos, toutes ces expressions se situeraient à un endroit bien précis de l'un de nos chakras. Et si l'on comprenait pourquoi et comment ouvrir nos chakras ? Les chakras, par définition, sont les centres énergétiques du corps humain qui aident à réguler son fonctionnement, des organes au système immunitaire en passant par les émotions. Communément, l'on compte 7 chakras répartis à travers le corps. De la base de la colonne épinière au sommet du crâne, chaque chakra a sa propre fréquence vibratoire, représentée par une couleur et gouvernant une fonction spécifique qui participe à vous rendre tout simplement humain. Ils sont donc un centre énergétique. Nous commençons par le premier, le chakra racine, qui représente le fondement de nos actes et le sentiment d'avoir une base, situé à base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Ces enjeux émotifs seraient la question liée à la survie, telle que l'autosuffisance financière, l'argent et la nourriture. Il est représenté par la couleur rouge. Ce premier chakra racine représente notre fondation et tout ce qui est lié à la terre et ce qui nous sécurise. Pour aider ce chakra à s'ouvrir, il serait bon de marcher pieds nus sur le sol. Rappelez-vous que ce chakra est tout ce qui est lié à la terre. Le chakra sacré est le deuxième, situé au niveau du nombril, représenterait notre connexion et notre aptitude à accepter l'autre et les nouvelles expériences. Ces enjeux émotifs seraient la sensation de vivre dans l'abondance, le bien-être, le plaisir et l'intimité. Le chakra sacré se rapporte à notre capacité à nous sentir créatifs. Il est lié à la vie intime et à l'acceptation du changement. Sa couleur est représentée par l'orange. Troisième chakra, celui du plexus solaire, il représente notre capacité à être confiant et en contrôle dans notre vie. Il se situe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, dans la région de l'estomac. Ses enjeux émotifs sont la confiance et l'estime de soi. Il est représenté par la couleur jaune. « Le chakra du cœur, le quatrième chakra, représente notre capacité d'aimer. Il est situé sur la poitrine, juste au-dessus du cœur. Ses enjeux émotifs sont l'amour, la joie et la paix intérieure. Il est représenté par la couleur verte. Pour aider à ouvrir et ressentir ce chakra, voici une recette magique. Amour, amour et amour. Il suffit d'ouvrir votre cœur aux autres. C'est le meilleur exercice de guérison pour ouvrir le chakra du cœur. Le cinquième chakra, celui de la gorge, représente notre capacité à communiquer et à nous exprimer. Comme son nom l'indique, son emplacement se trouve simplement au niveau de la gorge et ses enjeux émotifs sont la communication, l'expression personnelle au travers des sentiments et de la vérité. Sa couleur est représentée par le bleu. Et pour stimuler ce cinquième chakra, l'on pourrait s'aider et s'exercer à relâcher les épaules et se faire plaisir en chantant. Le sixième chakra, le chakra du troisième œil, est lié à notre capacité à nous concentrer et voir plus grand. Situé sur le front, entre les yeux, son enjeu émotif est l'intuition, l'imagination, la sagesse et l'habilité à penser clairement et à prendre des décisions. Il est représenté par la couleur indigo. Le septième et le plus haut chakra, le chakra couronne, représente notre capacité à être entièrement connecté spirituellement. Son emplacement se trouve au sommet de la tête et ses enjeux émotifs sont la beauté intérieure et extérieure, notre connexion à la spiritualité et au bonheur pur. Sa couleur est le violet. D'origine sanscrite, les chakras signifient littéralement « roue » par association avec son fonctionnement en tant que vortex d'énergie, interagissant avec différents systèmes physiologiques et neurologiques du corps humain. Les chakras sont issus d'un système de croyances philosophiques issus de l'hindouisme. Les premiers textes qui en parlent sont écrits en sanskrit. Pour les personnes adhérant à ces croyances, ils ont une réalité physique et physiologique au même titre que d'autres organes, même si cette physique est dans leur conception beaucoup plus subtile. Des chercheurs se disant indépendants ont cherché à confirmer l'existence de ces points et à donner une explication à leur fonctionnement, par exemple le docteur Janine Fontaine pour n'en citer qu'un exemple français. Ceux qui examinent les chakras les décrivent comme des organes vivants. Ils auraient pour fonction la régulation de l'énergie entre les différentes parties du corps et entre le corps, la terre et l'univers. Soumis aux aléas de santé de l'individu, ils présenteraient des symptômes de rigidité ou d'affaissement, d'encombrement ou de perte de vitalité. Ils communiqueraient entre eux et seraient capables de se compenser mutuellement. Réciproquement, une action d'harmonisation énergétique de type acupuncture aurait des répercussions sur la santé de l'individu. De plus, les chakras correspondraient à des plexus et à des glandes, ce qui signifie que leur localisation aurait une fonction avérée dans la biologie et même dans le psychisme de l'individu. Mais la physiologie, en l'état actuel des connaissances, n'a pas besoin d'avoir recours à la notion de chakra pour expliquer les phénomènes. Comme expliqué au début, le mot chakra vient du sanskrit « roue ». Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un dessin de chakra figure sur le drapeau indien. Et on peut aussi noter qu'avant la rencontre des mondes indiens et grecs n'introduise une représentation figurative de Bouddha, celui-ci n'était représenté que par un chakra. Chaque chakra tournerait dans un sens différent pour faire monter l'énergie, comme dans un système d'engrenage. Ils sont souvent représentés comme reliés par un serpent énergétique qui symbolise cet entrecroisement d'énergie. Appelé Kundalini, ce serait une puissance énergie louée à la base de la colonne vertébrale au niveau du chakra racine, représentée comme un serpent enroulé sur lui-même 3 fois et demi. Quand l'énergie est activée, le serpent de la Kundalini se réveillerait et monterait le long de la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle au chakra couronne, progressant d'un des 7 chakras à l'autre afin de les harmoniser un à un. Une énergie fantastique est alors censée être libérée, conduisant à l'éveil. Il existe aussi de nombreux chakras secondaires, en particulier sur les paumes des mains et des pieds. Le chakra des pieds, des chevilles, des genoux et des hanches serait en relation avec le chakra de la base et participerait à notre communication avec la terre. Les chakras des mains seraient reliés au chakra du cœur. C'est d'ailleurs très important à savoir pour les thérapeutes pour qui les mains sont l'outil de travail principal. D'ailleurs, symboliquement, embrasser quelqu'un en le serrant dans ses bras est bien sûr un geste d'amour. Selon l'enseignement bouddhiste hindou, tous les chakras devraient contribuer au bien-être d'un être humain. Nos instincts alliés à nos sentiments et à nos pensées. Certains de nos chakras ne sont généralement pas ouverts tout le temps, mais certains sont suractifs et d'autres presque fermés. Des techniques pourraient alors nous aider à découvrir et à ouvrir nos chakras. En passant par le biais du développement personnel, car nous l'avons compris, si certains de nos chakras font des nœuds, c'est probablement que quelque chose bloque. Découvrir l'art de la prise de conscience des chakras paraît donc indispensable pour parvenir à travailler sur leur ouverture. Le yoga, la méditation seraient d'une grande aide. La lithothérapie aurait aussi des vertus bénéfiques sur nos chakras. Enfin, il paraît primordial de révéler que l'ancrage est plus qu'important. Les personnes qui cherchent le développement spirituel et l'éveil négligent parfois tout ce qui est matériel, corporel, physique et physiologique. Mais le chakra coronal ne peut se développer harmonieusement que si le chakra de la base est solide. C'est pourquoi de nombreuses méditations et thérapies insistent sur l'importance de l'ancrage et de l'enracinement. Je cite, « Pour que le cœur s'ouvre, cela passe du bas vers le haut comme un arbre qui pousse du bas vers le haut, plus que du haut vers le bas. » Et si l'on plongeait en nous pour sentir cette énergie incroyable se déplacer et sentir un à un nos chakras? Si vous souhaitez en savoir plus, il existe bien entendu des ouvrages afin de développer le sujet, comme par exemple celui de Dinti Panachi, les 7 chakras. Et voilà pour les quelques minutes bonheur que j'aime tant partager avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, à très très vite.